Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Voici plusieurs semaines que Tintin, Milou et le capitaine Haddock ont quitté Vargèse, petite station de Haute-Savoie, pour des terres lointaines, très élevées et très enneigées. L'amitié pour Chang, Tintin ne peut croire à sa mort, mérite bien ses ascensions dangereuses et très animées au Tibet, dans ces montagnes désertes. Désertes. Nous connaissons l'histoire. Nous savons bien, et depuis toujours, que le Yeti rôde, protège Chang et ne voudrait pas le rendre. Voici les quatre derniers épisodes des aventures de Tintin au Tibet, diffusés pour la première fois sur France 2 régionale du 5 au 12 novembre 1960. Un document INA. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation René Villemain. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 18e épisode. Après avoir échappé de justesse à une avalanche, Milou, Tintin, Haddock et le Sherpa Tarquet ont été recueillis par des moines tibétains et conduits devant le Grand Lama. Tintin lui raconte leurs aventures et leurs mésaventures. Quand il parle du jeune Chang, il ne peut contenir son émotion. Malheureusement, à ce sujet, le grand précieux leur ôte tout espoir. Chang est mort, car la montagne ne rend jamais ce qu'elle a pris. Nos amis désespérés vont donc se joindre à une caravane qui retourne au Népal. Mais alors qu'ils vont sortir de la cour intérieure du monastère, un lama appelle Tintin pour lui remettre l'écharpe de Chang, retrouvée, on s'en souvient, dans la montagne. Tintin tend la main. Quand le lama se met à gémir, son regard prenant une fixité étrange. Puis, devant les deux compagnons stupéfaits, le moine s'élève d'une cinquantaine de centimètres au-dessus du sol. Au cours de sa vision, il décrit avec précision Chang et l'endroit où il devrait se trouver. Enfin, il pousse un cri terrible et redescend. Oh, zut alors, trop tard pour la photo. C'est ahurissant. Oh, il ne pouvait pas rester encore un peu en l'air, ce moine volant, non? Oh, tonnerre de mille sabots. Vite, dites-nous où est Chang. Chang? Mais oui, le jeune garçon dans la montagne. De qui parles-tu? Mais de Chang, sapristi, du garçon que vous avez vu tout à l'heure étendu dans une grotte. Où est-il? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais, tiens, tu avais perdu cette étoffe jaune. Bon voyage, ô jeune étranger. Mais écoutez-moi, je... Trop tard, il s'en va. Il a vu Chang. Malade, fiévreux, mais en vie. Il l'a vu, j'en suis certain, il a vu Chang, capitaine. Tintin, j'espère que vous ne croyez pas un traître mot de ce que nous a raconté cette espèce d'ascenseur. Non, je suis certain que c'est vrai. Venez, retournons voir le grand précieux. D'ailleurs, j'ai un tas de choses à lui demander. Complètement ma boule, ce pauvre Tintin. Les révélations du moine visionnaire ont fortement impressionné Tintin. Haddock, lui, enrage, car il est convaincu depuis longtemps de la mort du pauvre Chang et n'a qu'une hâte, rentrer en Europe. Seulement pour l'instant, il suit Tintin, une fois de plus. Enfin, les voici devant le grand lama, à qui il raconte la scène dont ils viennent d'être les témoins. Le museau de Yak, dis-tu? Oui, grand précieux. Qu'est-ce que c'est? Une montagne, à 3 jours de marche, près du village de Charaban. Et qu'a-t-il dit encore? Il a fait allusion à un œil, puis à une grotte. Mais enfin, vous n'allez pas me dire que vous prenez au sérieux toutes ces calembredaines. Sache, noble étranger, qu'ici, au Tibet, beaucoup de choses paraissent incroyables aux Occidentaux. Ah bon? Bien, je ne dis plus rien. Et ensuite? Ensuite, il a vu quelqu'un s'approcher de Chang, et alors, comme frappé de terreur, il a crié « Le Migou !» C'est ça, le Migou. Puis il a atterri sans que j'aie eu le temps de le photographier. Tu es sûr d'avoir entendu le Migou? Certain. Qu'est-ce que c'est, grand précieux? C'est l'abominable homme des neiges. Hein? Ici, on l'appelle le Migou. Au Népal, on l'appelle Yeti ou Yeti. Mais c'est terrible. Certes, jeune étranger. Et il vaudrait mieux que ton ami soit mort que prisonnier du Migou. car le Migou ne rend jamais sa proie. Shang. Shang, prisonnier de l'abominable homme des neiges. Mais c'est épouvantable, il faut le sauver, il le faut, et j'irai jusqu'à... Non, vous n'irez pas. Ni seul, ni avec moi, tonnerre de Brest. Assez d'excentricité comme ça, ça suffit. Vous retournerez à Moulinzard avec moi, 1000 millions de 1000 sabords. Il faut que j'y aille, capitaine. Demain matin, je pars pour Charaban. Bon. Faites comme vous voulez. Allez chercher Chang où il vous plaira. Jusque sur la planète Mars, si ça vous chante. Moi, je rentre, je boucle mon baluchon. J'en ai assez, vous entendez? Plus qu'assez, jusque là. Haddock furieux sort de la salle où le grand lama leur a donné audience. Tintin, lui, va faire ses bagages et une heure plus tard prend le chemin de Charabang avec Milou, évidemment. Trois jours plus tard, le jeune reporter est chez le chef du village. C'est un vieil homme à barbiche blanche qui écoute attentivement le récit de Tintin en lui servant le thé. Derrière lui, debout, son épouse, attentive. Dans l'encadrement de la fenêtre qui s'ouvre sur les sommets de l'Himalaya, des têtes d'enfants, étonnées par la présence à Charabang d'un étranger aux cheveux couleur de flamme. Et tu me demandes un guide pour te conduire au museau de Yak? Si c'est possible, vénérable, oui. Personne, Kucho, personne pour museau de Yak. Là-bas, Migou. Alors comment vais-je faire? Oh, excusez-moi, vénérable, mais il me semble reconnaître cette voix. Je crois que c'est un ami, pardon. Va, jeune étranger, va. Ah, c'est joli, ah, c'est du propre. Tenez, un pied de nez pour vous, mal appris. Capitaine, vous ici? Oui, tétons, on est bien accueillis par ici. Ces gamins n'arrêtent pas de me tirer la langue. Oh, ne vous fâchez pas, voyons, c'est la façon dont on se salue au Tibet. Ah, drôle de coutume. Si l'on veut, mais dites-moi pourquoi vous êtes ici plutôt. Comme ça. Après votre départ, je me suis aperçu que vous aviez oublié votre appareil photo. Alors, j'ai pensé que... Enfin, j'ai cru que je devrais... Ah, enfin, je me suis dit, je vais lui rapporter. Et le grand turc a mis un guide et des chevaux à ma disposition. Voilà. Eh bien, merci pour l'appareil, capitaine. Vous repartez demain, sans doute? Maintenant que je suis là, je me demande si je ne vais pas vous accompagner un tout petit peu vers le museau de Yak. Merci. Oh, toi, étranger, pas aller, museau de Yak. Mais qu'est-ce que tu as, petit? Approche, petit. Pas aller, là-haut, Migou, chemin des nids, lui, tu es Yak, tout près, village. Oh, voilà qui m'intéresse. Dis donc, pourrais-tu nous montrer l'endroit? Très dangereux, moi avoir peur, mais moi conduis. Ah, et viens. Oh, quelle gentillesse, merci. Oui, ils sont bien braves, ces gamins, mais mal élevés, ça ne me traîne pas ça de l'idée. Regardez, ils nous font des pieds de nez à présent. Ah, ce capitaine, c'est vous qui le leur avez montré tout à l'heure, ils en font un jeu, voyons. Ouais, enfin, suffit. Quand partons-nous? Mais tout de suite, capitaine, tout de suite. Ah, c'est par là, noble étranger. Bah, allons-y. Encore? Nos deux amis, le jeune Tibétain et Milou, quittent le village et arrivent bientôt sur un petit plateau herbeux parsemé de rochers. Tout autour, la montagne. Et là-bas, très loin, le museau de Yak, repère présumé de l'abominable homme des neiges. Tout à coup, le petit guide bénévole s'arrête, tremblant de peur. Ici, Koucho, ici, j'ai trouvé Yakmo, tu es pas Migou. Ah, c'est dans cette prairie. Oui. Eh bien, mon vieux, tu es très gentil de nous avoir accompagnés. Au revoir. Oh, toi pas aller, Migou, toi, tu es... N'aie pas peur, en attendant, sauve-toi vite, adieu et merci. Adieu, toi, grand danger, pas aller. Ah, brave petit, hein. Regardez Milou. Mais oui, il a flairé une piste. Et maintenant, capitaine, en route pour le dernier round. Oui, mais qui sortira vainqueur du combat? Thank you. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling Haddock, Guy Duyenne le Grand Lama, Jean-Clarence le Sage, Gaëtan Genre Foudre Béni, Jacques Muller et Michel Emery, les enfants tibétains avec Milou. Prise de son Jean-Jus Fort, bruitage et effets sonores Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet. Mille remerciements d'abord à notre jeune ami Philippe Jou de Paris, qui adresse à Tintin, avec un mot très gentil, un magnifique dessin pour Milou. Ce dessin représente une maison rouge et rose, devant laquelle passe un camion couleur orange, dans le ciel un beau soleil d'or, et sur les fils électriques des oiseaux, sans doute des hirondelles. Ces hirondelles qui vont bientôt nous quitter pour les pays chauds, si ce n'est déjà fait. Merci à ce jeune auditeur qui n'a que 6 ans. Et voilà une remarque de Laurence Dussault. Nos jeunes auditeurs nous diront ce qu'ils en pensent. Écoutez la lettre de Laurence. Cher Tintin, comme tu as demandé si la voix du Yeti était convenable, je peux te dire qu'elle est bien, mais un peu enrouée. Et Laurence ajoute, mais cela est peut-être normal car là-haut il ne fait pas chaud. Alors à tous, nous vous demandons ce que vous pensez de la voix du Yeti dans le feuilleton de la RTF. Encore un auditeur qui, trop timide, n'osait pas nous écrire. Mais il faut oser, il faut toujours oser. Nous sommes là pour vous répondre. De son côté, Tintin est très heureux d'avoir de vos nouvelles, ainsi que Milou, Haddock, Tournesol et tous les autres. Ils aiment que vous leur parliez de vous. Alors surtout, ne vous gênez pas pour nous écrire. Mais revenons à la lettre de Bernard Alcacer, qui nous dit que toute sa famille, grand-mère comprise, écoute le feuilleton qui la passionne. Bernard ajoute qu'il voudrait que les émissions durent plus longtemps. C'est un désir partagé par tous nos auditeurs, mais nous, nous croyons fermement que la durée accordée par la RTF aux aventures de Tintin est la bonne. D'ailleurs, nous avons 3 minutes de plus par semaine, et ce, depuis la rentrée. Pensez que vous pouvez suivre ces aventures 3 fois par semaine, et qu'il est aussi très agréable d'attendre un plaisir. Ce n'est pas votre avis? Croyez-nous, jeunes amis, nous sommes dans le vrai. Avant de vous laisser en famille, encore une demande. Ne nous envoyez jamais de timbre, s'il vous plaît, puisque nous pouvons vous écrire en franchise postale. Et voilà, maintenant l'heure est arrivée. À très bientôt. Bonsoir à tous. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 19e épisode. C'est donc dans les environs du village de Charabang que le Yeti a son repère. On se souvient que Haddock, après un nouvel accès de colère au monastère tibétain, est venu rejoindre Tintin à Charabang. Malheureusement, aucun guide ici n'accepte de les conduire vers le museau du yak dont l'abominable homme des neiges a fait son domaine. Sakodo, les deux hommes suivis de Milou, ont commencé l'ascension de la montagne redoutée. Cette fois, l'issue approche. Et comme dit Tintin, le dernier round vient de commencer. Et vous croyez que vous allez tomber pile sur le repère de cette espèce d'ours mal léché? Ce serait un miracle. Oh oui! Oui, oui, oui, si nous n'avions aucune indication. Mais nous sommes déjà sur la piste grâce à Milou, regardez-le. Oh, voilà 2 heures que nous marchons. Et le museau du yak est encore loin. Nous y serons aujourd'hui. Il suffit d'arriver ce soir au pied du pic, là-bas. Là, nous dressons notre tente dans un endroit bien caché. Oui, parce qu'il doit avoir l'œil, cet ostrogo. Je comprends. Regardez, Milou n'a pas perdu la piste, capitaine. Elle conduit tout droit sur le museau du yak. Oui, oui. Oh, j'ai hâte de le voir de près, leur migou. Oh, vous le verrez peut-être au moment où vous y attendrez le moins. Mais dites-moi, mais... Ouh là là, mais ça grimpe, hein. Oh, allons. Tu nerfs, fiston, tu nerfs. Vous n'allez pas flancher au dernier round. Soyez tranquille, capitaine, je me sens très bien. Je ne vous laisserai pas seul en face du migou. Oh, le migou, moi, vous savez. Je sais, capitaine, je sais, je sais. Oui, ils sont bien décidés tous les deux. Mais ils ne verront pas l'abominable homme des neiges durant cette première journée de montagne depuis Charabang. Le soir, comme prévu, ils installent leur tente verte, celle que l'éternuement de Haddock avait déchirée et qu'on a reprisée depuis. Ils installent donc leur petite canadienne verte à l'abri d'un gros rocher, à quelques centaines de mètres de l'œil du yak. Dès le lendemain matin, à plat ventre et jumelles en main, ils se mettent en faction. Hélas, rien n'apparaît. Deuxième jour, toujours rien. À flanc de montagne là-haut, la grotte paraît inhabitée. 3 jours passent ainsi, et 3 jours de guet, c'est long. Oh, commence à en avoir assez, moi. 3 jours que nous attendons votre Migou de malheur, 1000 millions de sabots. Le moine foudre béni a dit l'œil. L'œil, pff. Vous n'en avez pas assez, vous, d'avoir les vôtres collés aux jumelles? C'est l'œil de cette tête de yak. C'est cet œil qu'il faut avoir à l'œil. Mais ça le fait rire. Oh, capitaine, enfin, patience. Patience, je suis patient. Oh, mais nous pouvons attendre comme ça 107 ans. Si encore on avait le droit de fumer, mais non, il a l'odorat trop sensible, ce petit délicat. Oh, tenez, je ne sais pas ce qui me retient. Oh, oh. Cette fois, capitaine. Oui, ça doit être le... Je le vois. Ça y est, il vient de surgir derrière un pan de rocher. Que fait-il? Il s'en va, il s'éloigne. Ça y est, il a disparu. Profitons-en, c'est le moment. Venez, capitaine, il n'y a pas une seconde à perdre. Vite! Mais que voulez-vous faire? Mais les droits sont repères et délivrés de Chang Xilie. En avant, vite! L'appareil, photo, tenez! Attention au flash! Oui, merci, allons-y! Dites donc, si vous réussissez à le photographier, c'est un cliché qui fera du bruit. Ouais, nous ne sommes pas encore là. Merde. Heureusement que c'est planté de rochers par ici. Pour se dissimuler, c'était pas temps. Nous approchons de la grotte. Attention! Regardez Milou. Oui. Cette fois, la piste est fraîche. Stop! Voilà le rocher idéal, capitaine. Vous resterez ici pour surveiller les environs. Si jamais vous le voyez revenir, vous sifflez fort. Entendez, fiston. Et vous, songez aux photos, hein? D'accord. À tout de suite et ouvrez l'œil. Allez, Milou, à la grotte. Bonne chance. Ah, nous y voilà. L'œil du yak, c'était donc ça. Eh ben, en avant, Milou. Pourvu que... Oh non, ce n'est pas possible. Chang! Chang! Chang! Qui est là? Qui m'appelle? Chang! Chang! C'est moi, Tintin. Tintin, viens vite. Chang, mon pauvre petit Chang. Tintin. Oh, mais j'étais sûr de te retrouver vivant. Oh, Chang, que je suis heureux. Tintin. Chang. Si tu savais comme je pensais à toi, à Milou. Bonjour, Milou. Chang. Oh, mais tu es malade. Tu es brûlant de fièvre. Viens vite, je vais te tirer de là. Tu vas enfiler mon anorak et nous allons partir, vite. Oh non, Tintin. C'est impossible. Et pourquoi impossible? Je n'ai plus la force de marcher. Et puis, s'il revenait? Pas de danger, un de mes amis est là-bas dehors, caché derrière un rocher. À la moindre alerte, il doit siffler. Tu vois, tu n'as rien à craindre. Allez, viens, vite. Oui, Tintin. Là, tu vas enfiler mon anorak, là. Merci, Tintin. Oh, tu sais, j'ai cru ne jamais te revoir. Allez, passe la manche, là, voilà. Mais ça a été si affreux. L'accident, le froid, le vent... La fin! Oh, Tintin! Allons. Allons, c'est fini maintenant, Chang. C'est fini, je suis là. Mon petit Chang. Allons, c'est fini. Dehors, derrière son rocher, Haddock est toujours en faction. Oh, ce qu'il est long! Oh, mais qu'il revienne, tonnerre de Brest, mais qu'il revienne! Oh, je n'aurais jamais dû le laisser aller tout seul. Comment ne l'ai-je pas vu revenir? Oh, quel monstre! Oh, tonnerre, mais c'est affreux! Oh, mais il faut... Oh, vite! Oui, vite! Sifflons! Je vais siffler! Oh, Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Muni le jeune Chang, Habib Benglia Yeti et Milou. Chang. Prise de son Jean-Jus Fort, bruitage et effet sonore Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri. Réalisation René Villemet. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 20e épisode. Nous avons laissé nos voyageurs dans une situation alarmante et elle menace de s'aggraver encore. Vous vous rappelez que Tintin et Haddock ont réussi à s'approcher du repère de l'abominable homme des neiges. Vous savez aussi qu'ils avaient décidé d'explorer la caverne du Yeti en son absence, Haddock faisant le guet dehors à une vingtaine de mètres du repère. Dans la caverne, Tintin a eu l'immense joie de retrouver, malade mais vivant, son jeune ami Chang. C'est une minute qu'il attendait depuis longtemps, mais le jeune reporter abrège les effusions, car le monstre peut revenir d'une minute à l'autre. Ce qui le rassure pourtant, c'est la présence du capitaine qui, tapis derrière un rocher à proximité, devra signaler le retour du Yeti. Nos deux garçons, Tintin soutenant Chang, sortent de la grotte. Haddock n'a pas sifflé, tout s'annonce donc bien. Allez, accroche-toi bien mon épaule, Chang, tu verras, ça va aller très bien. Oui, Tintin. Allons-y. Est-ce que j'aurai le temps de... Aïe, trop tard! Oh, Tintin! Il va te tuer! Vite au fond de la grotte! Allons-y, Chang! Tintin marche à reculons, prudemment, lentement. Ce qu'il voit est terrifiant. Dans l'encadrement rocheux de l'entrée de la caverne se dresse le monstre, une sorte de gorille à longs poils. Sa taille doit approcher les 3 mètres. Dès qu'il a aperçu Tintin, il s'est arrêté. Puis, après avoir poussé un cri de colère, il entre dans son repère et marche sur Tintin, qui lève son piolet en un geste instinctif de défense. Vite! Le doigt à la paroi. Allez, Chang, vite! Là, maintenant faisons face. D'ailleurs, pas moyen de faire autrement. Attention, Tintin! Que faire? Mon Dieu, que faire? Il va m'écraser. Oh, mais c'est affreux! Oh! Tintin! Ça, par exemple, alors je... Courage, Tintin! J'arrive! Me voici! Tenez bon! Mon Dieu, capitaine! Ah, attention à vous, capitaine! Attention! Oh, n'ayez pas peur! Je vais... Oh. Que vous est-il arrivé? Une bombe atomique! Oh, oh là! Où avez-vous mal, capitaine? Oh, mais partout! Oh, mais qu'est-il arrivé? C'est la bombe, n'est-ce pas? Nous sommes tous morts! Mais non, c'est le Yeti, vous vous êtes trouvé sur son chemin. Allez, venez vite! Le Yeti? Oh, j'ai jamais vu ça, tonnerre! Doucement! Chang est dans la grotte, capitaine! Hein? Vivant! Vivant? Oui, vivant! Il faut l'emmener jusqu'à la pente. Le Yeti a été aveuglé par le flash de mon appareil et il s'est sauvé comme frappé de terreur. Oh oui, je sais. Oh. Mais il peut revenir, il ne faut pas moisir ici. Allons-y. Allons-y, fiston. Oui. Oh, jamais vu ça. Gigantesque. Une masse noire qui s'est dressée devant moi et hop, elle va s'y en l'air comme si je ne pesais pas plus qu'une cacahuète. Oh, oh, mille sabords. Oh. Oh. C'est nous, Chang! Heureusement, le Yeti n'est pas revenu. Et 2 heures plus tard, Haddock et Tintin redescendent vers le village de Charabang. Pour Chang, très affaibli, ils ont transformé en siège de fortune leur piolet. Le brave Milou suit le petit groupe en se remémorant tous ces événements. Lui aussi a bien envie de regagner l'Europe, maintenant que Chang a été retrouvé. Nous volions depuis à peu près 2 heures au milieu des éclairs. Secoué par la tempête, l'appareil montait, descendait, se penchait. Tout à coup, il y a eu un choc terrible. J'ai entendu des passagers crier. Et puis, c'est comme si j'étais tombée dans un grand trou noir. Pauvre Chang, tu as perdu connaissance, évidemment. Et après ? Quand je me suis réveillée, c'était la nuit. Et j'étais couchée dans la neige. J'avais horriblement mal aux jambes. Il faisait froid. J'avais faim. J'avais peur. Tout autour de moi, il y avait les débris de l'avion. Le vent hurlait, mais c'était le seul bruit. Pas une plainte, pas un cri. J'étais le seul survivant de la catastrophe. Oh, ces montagnes, quelle engeance! Alors, à moitié aveuglé par la neige qui s'était mise à tomber, j'ai marché droit devant moi, aussi longtemps que j'ai pu. Quel calvaire! Enfin, à bout de force, j'ai trouvé un creux de rocher. Et là, je me suis encore évanouie. On se demande comment un corps si mince peut avoir autant de résistance. Oh, ce pauvre gamin, ça a dû être terrible. Et quand tu t'es réveillée, Chang? Je crois que je suis restée évanouie très longtemps, Tintin. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai cru mourir de frayeur. J'étais couchée dans une grotte. Le Yeti? Oui. Il faisait très sombre, mais tout près de moi, j'ai vu une tête énorme et 2 yeux brillants qui me regardaient fixement. Vous entendez? C'est lui. Ah oui. Oh, quel cri déchirant. À croire qu'il a du chagrin. Il a du chagrin, Tintin. Il a été si gentil avec moi. Il allait la nuit me chercher des herbes, des racines, parfois de petits fruits sauvages. Des petits animaux aussi, que je me forçais à manger. Wow. Je n'en avais pas envie, tu sais. Mais pour ne pas mourir, je devais manger. Petit à petit, j'ai repris des forces. Et pourquoi es-tu si faible maintenant? Eh bien voilà, un matin, le Yeti est rentré. Il paraissait affolé. Il m'a pris dans ses bras. Et alors, il a commencé une course folle à travers la montagne. Il escaladait les rochers. Sauter les ravins. Oh, tu sais, j'avais très peur. J'avais très peur. Et puis, il s'est arrêté en haut d'un pic et j'ai vu... Quoi donc? L'endroit où mon avion s'était écrasé. Une file d'hommes se dirigeait vers ce qui restait. Eh oui, l'expédition de secours. Et puis, le Yeti est reparti. Il y a eu une tempête de neige. J'étais épuisée, mais lui ne s'arrêtait pas. À la fin, je ne me rendais plus compte des choses. Enfin, j'ai senti qu'il me couchait sur des branchages. C'était la grotte où tu m'as découvert, Tintin. J'étais malade, triste, car je savais que personne ne me retrouverait jamais plus. J'allais mourir là, tout seul, loin de mes parents, de mes amis. Ah, mon pauvre petit Chang. Sans l'écharpe que tu as jetée, tu sais, je crois bien que... Oui, Tintin a raison, c'est cette étoffe jaune qui nous a remis sur la voie. Et maintenant, Tintin, nous sommes réunis et je suis si heureux. Eh ben, qu'est-ce qui te prend, Milou? Chang a terminé son récit, mais il ne se doute pas qu'à quelques dizaines de mètres de l'endroit où il passe en ce moment, derrière les rochers, quelqu'un surveille le petit groupe de ses yeux perçants. Ah oui, il faudrait que nous soyons à Charaban avant la nuit. Allons, Milou, va te venir, voyons, Milou. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a peur. Peur de quoi? Je me le demande. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Muni, le jeune Chang, Habib Benglia, Yeti et Milou. Oh, Yeti, là! Prise de son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation, René Villemet. radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, Tintin au Tibet, 21e épisode. Après une rencontre mémorable avec l'abominable homme des neiges, Tintin et le capitaine Haddock ont réussi à retrouver le jeune Chang que le Yeti avait adopté. Le petit groupe redescend maintenant vers le village de Charabang, et pendant cette longue et pénible marche, Chang, porté par ses amis, leur raconte son extraordinaire aventure. Tout à coup, Milou se met à hurler à la mort. Allons Milou mon chien, calme-toi, tu as fait ton devoir, maintenant ça suffit. Allez, calme-toi. C'est l'altitude qui lui a tourné la tête. Il hurle, il gémit. Et maintenant le voilà qui renifle. Et vous capitaine, vous êtes enrhumé. Pas étonnant par ici. Attendez, au mouchoir. Hey, mais c'est lui. Regardez, le Yeti, là. Te voilà, espèce de bulldozer à réaction. Viens donc, si tu oses, grand escogriffe, que je te transforme en descente de lit, méga-cycle, pyromane. Allons, calmez-vous, capitaine. Il nous suivait depuis là-haut. Oui, il voulait me reprendre. Pauvre homme des neiges. Vous avez vu, il suffit de se moucher pour qu'il décampe, ce matamore poilu. Mais Chang, tu as dit pauvre homme des neiges. Tu es le seul à le connaître et tu es le seul aussi à ne pas l'appeler abominable. Mais Tintin, il a pris soin de moi. Sans lui, je serais mort de froid et de faim. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison, Chang. On a tort de juger trop vite ceux qu'on ne connaît pas très bien. Non, en tout cas, il n'a pas eu d'égard pour moi. Il m'a fait faire un looping avec atterrissage à plat ventre et ça, je ne l'oublierai jamais. Si, vous l'oublierez, mais bon. Si. Allez, capitaine, reprenons nos piolets et en route. Chang, assieds-toi et passe tes bras sur nos épaules. Oui, Tintin. Allons-y, en avant tous. Ce n'est qu'à la nuit tombante que nos amis arrivent à Charabang. Et le lendemain matin, ils quittent le village avec quatre Tibétains portant la civière sur laquelle Chang est allongé. Trois jours plus tard, ils arrivent en vue du monastère que nous connaissons déjà et qu'on aperçoit en bas de la montagne. Mais alors qu'ils s'engagent sur le sentier qui y conduit, une étrange musique se fait entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? La fête au village? Bah, je ne vois rien. Il est vrai que le sentier fait un coude. Oh, regardez. Le grand précieux et une procession de lamas. Des temps, ils se sont mis sur leur 31. Les musiciens ont des casques dorés avec le machin, là, le cimier, comme les guerriers grecs d'autrefois. Oui, ils doivent fêter un événement exceptionnel. Mais le grand précieux s'avance vers nous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Salut à toi, ô cœur pur. Bonjour, grand précieux. Comme le veulent nos traditions, je te présente cette écharpe de soie. Mais grand précieux, comment avez-vous su que... Foudre bénie nous a dit que tu es arrivé, et je suis venu à ta rencontre avec les musiciens sacrés, afin de m'incliner respectueusement devant toi. Devant moi, grand précieux? Oui, car ce que tu as fait, peu d'hommes auraient osé l'entreprendre. Sois béni, cœur pur, pour la constance de ton amitié, pour ton audace et ton courage. Merci, grand précieux. Et toi aussi, tonnerre grondant, sois béni. C'est vous, capitaine. Hein? Sois béni, car malgré tout, tu as eu la foi qui transporte les montagnes. Elle aurait mieux fait de les aplatir. Enfin, merci quand même, grand... Précieux. Grand précieux. Et toi, jeune garçon, qui a échappé aux griffes du Migou, sois béni également. Sois béni d'avoir su inspirer un dévouement si fidèle à ces deux étrangers. Oh, eh bien, capitaine, voyons. Bah, excusez-moi, mais je voulais voir quel son ça avait, ces grands machins. J'ai soufflé un peu fort, voilà tout. Maintenant, nous allons regagner le monastère ensemble. Noble étranger. Nous vous suivons, grand précieux. C'est la récompense officielle d'une difficile victoire. Mais nos amis s'estimaient déjà suffisamment payés en ramenant Chang vivant. Chang, le jeune Chinois arraché à la montagne. Chang, l'ami de Tintin. Une semaine après ce jour de triomphe, une caravane de chevaux quitte la lamasserie. Des guides, des porteurs, des provisions pour la longue route qui reste à faire. Montant trois petits chevaux tibétains, Haddock, Chang et Tintin. Alors Chang, comment te sens-tu? Tout à fait bien. Une semaine de repos à la lamasserie et les soins des moines m'ont remis en selle, tu vois? Eh oui. Et maintenant, tous nos ennuis sont terminés. Et grâce aux lamas qui ont formé pour nous cette caravane, nous aurons bientôt gagné le Népal. Et de là, l'Europe. Oh, encore cette espèce de joueur. Oh, ne l'accablez pas, capitaine. Il fait ses adieux à notre ami Chang. Pauvre homme des neiges. Il a retrouvé sa solitude. Et oui, jusqu'au jour où les hommes réussiront à le capturer. 1 000 000 de sabords. Ce jour-là, je paierai cher mon billet. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ne le trouve jamais, car on le traiterait comme une bête sauvage. C'est vrai, Chang, tu as raison. On le mettrait en cage. Justement, tu sais, Tintin, il a agi avec moi de telle façon que je me suis parfois demandé si ce n'était pas un être humain. Il me regardait avec une douceur. Je te comprends, Chang. Qui sait ce qu'est exactement le Yeti? Pour moi, c'est un peu comme un ami que j'ai perdu pour en retrouver un plus cher. Un ami de toujours. Toi, Tintin. Cheminant au pas de ses chevaux, la petite caravane s'étire. Milou, qui s'était arrêté un moment, revient à un os de yak entre les dents. Ce sera un souvenir du Tibet. Et là-bas, derrière les rochers qui bordent le plateau, une silhouette, celle du Yeti. Ses yeux infiniment tristes suivent la caravane qui emporte pour toujours Chang, son petit protégé. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Qi Duyen, le grand lama, Muni, le jeune Chang, Habib Benglia, Yeti et... Au revoir! À bientôt, Milou. Prise de son, Jean Jusforgue, bruitage et effet sonore, Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante, Michel Pietri, réalisation, René Villemet. Ces épisodes, les 18e, 19e, 20e mai, 21e et dernier épisode, ont été diffusés les 5, 8, 10 et 12 novembre 1960 sur France 2 Régionale. Un document, INA. À réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.